troisième temps de notre série titrée « Que faire de nos morts ?» Aujourd'hui, jour des archives dans la fabrique de l'histoire. Après vous avoir parlé lundi de la représentation de la mort et de la généralisation au XIXe siècle des cercueils, par exemple, puis hier, dans le documentaire d'Anaïs Quin et de Marie-Laure Ciboulet, que vous pouvez écouter ou télécharger sur le site de France Culture, des Thanatopracteurs. Et avant demain de traiter de la question des cimetières, nous allons ce matin, dans une émission co-animée par Anaïs Quin, qui a préparé toute cette semaine avec nous, évoquer la mort moderne, de l'embaumement du XIXe siècle au deuil de masse du XXe siècle, grâce à des textes qui seront lus pour nous par Elsa Dupuis, et qui seront commentés par nos deux invités. Anne Carole sera avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Aix-en-Provence. Elle est professeure d'histoire à Aix-Marseille et elle est auteure, entre autres, de « Au pied de l'échafaud, histoire sensible de l'exécution capitale » qui vient de paraître chez Belin. Et avec nous également en studio à Paris, Stéphane Audouin-Rousseau. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste des guerres du XXe siècle et auteur de 5 deuils de guerre 1914-1918 qu'on peut trouver en collection texto. Un dernier conseil au sujet du deuil à prendre. Il est de très mauvais goût de sortir dès le lendemain ou le surlendemain en grand costume de deuil. On pourrait vous reprocher de l'avoir fait faire à l'avance. On reste 8 jours chez soi, le temps nécessaire à la confection des costumes. Si l'on est obligé de sortir, on revêt les vêtements qu'on a, mais on choisit les plus sombres. Du reste, ajoutons, comme pour toutes les circonstances délicates de la vie, que le deuil ou la joie, dans le mariage, la naissance ou la mort, est une question de tact qui appartient encore plus au cœur qu'à la raison. C'est la règle de tous les savoir-vivre dans le monde. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour. Ce premier texte lu par Elsa Dupuis a été choisi par vous. Oui, c'est un extrait du manuel de la politesse des usages du monde et du savoir-vivre par Madame Lambert, qui date du Second Empire, donc de la dernière, du dernier tiers du XIXe siècle. Un premier commentaire. Bonjour Stéphane Audouin-Rousseau à ce texte. D'abord, le fait que à cette époque, effectivement, on avait à la fois la possibilité d'être en deuil et le devoir de l'être. Alors qu'à notre époque, le deuil public est quasiment interdit. Il n'est pas certain que ça facilite évidemment notre relation à la mort, mais tout cet ensemble effectivement de règles est mort avec la Grande Guerre. C'est à ce moment-là qu'on a basculé dans une modalité du deuil qui est très largement encore la nôtre aujourd'hui. Oui, bonjour à vous Anne Carole. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis les studios de Radio France à Aix-en-Provence, où vous enseignez en l'occurrence, et vous êtes spécialiste de l'histoire de la mort, et en particulier de l'histoire de la mort au XIXe siècle. On peut dire d'ailleurs qu'il y a là un grand centre et une grande préoccupation à Aix-Marseille autour de cette question de la mort. Vous n'êtes pas seul à avoir travaillé sur ces questions-là. Ah non, je ne suis pas seule, j'ai été précédée de quelques grands noms. Effectivement, Michel Vauvel, hein, qui a enseigné à Aix et qui a, avec Philippe Ariès, lancé cette grande histoire de la mort dans les années 70-80. Et aujourd'hui, encore d'autres chercheuses et chercheurs, d'ailleurs Stéphanie Sauger, que nous avions lundi pour nous parler de l'histoire des cercueils au XIXe siècle, travaille, si je ne m'abuse, avec vous, en l'occurrence, pour son habilitation à diriger des recherches, Anne-Carole. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai travaillé avec des élèves de Michel Vauvel, comme Régis Bertrand, par exemple. Voilà, qui était aussi, et qui est aussi, donc, un des piliers de cette université d'Aix-Marseille. Alors, cette question de la mort et du deuil, en particulier au XIXe siècle, on se dit qu'elle tente à être réglée progressivement tout au long de ce siècle avec des rituels, on l'a dit, des manuels de savoir-vivre, mais vous êtes aussi spécialiste de morts un peu particulières, les exécutions capitales, par exemple. Ces exécutions capitales donnent lieu à des rituels particuliers pour celui qui a été exécuté ou pas du tout, parce qu'il est considéré comme étant au banc de la société, Anne-Carole. Non, on ne porte pas le deuil, effectivement, d'un exécuté. Absolument pas. Et d'ailleurs, tout ce qui relève du mortuaire et du funéraire se cache, se fait de façon furtive, jusqu'aux sépultures, hein, qui ne sont pas toujours identifiables. Non, on est vraiment dans l'anomie mortuaire et funéraire. Ça veut donc dire que quand on parle d'une société, et cette société française, par exemple, du 19e siècle, dont vous êtes une grande spécialiste, Anne Carol, il faut savamment distinguer la manière dont on va se souvenir ou ne pas se souvenir de celui qui vient de mourir. Oui, d'autant plus, le contraste est d'autant plus marqué que cette obligation du souvenir, de la commémoration, s'impose au reste de la société de façon croissante, hein, avec l'essor des cimetières, la visite aux cimetières, le culte des morts, etc. Donc, ceux qui ne font pas l'objet de ces pratiques sont doublement ostratisés. Anaïs Kien. Oui, Stéphane Audouin-Rousseau, puisque l'on parle des règles du deuil aujourd'hui, qui porte le deuil ? Il me semble que dans les deuils privés qui sont les nôtres, je ne parle pas des deuils publics, je ne parle pas des deuils politiques, mais dans le cas des deuils privés, il me semble qu'on ne porte plus du tout le deuil. On l'a porté jusqu'à la Première Guerre mondiale incluse, mais il semble bien que ça soit que c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'on a commencé à moins porter le deuil, en particulier que le recul de la couleur noire s'affirme. Et on s'en étonne. Paradoxalement, je ne crois pas qu'on s'en soit étonné. On l'a pas beaucoup remarqué, mais le deuil reste encore. Il y a une monstration du deuil encore très grande. Un courrier de deuil, un faire-part de deuil. Vous avez, je parle d'un faire-part tel qu'on les utilisait dans la bourgeoisie, dans les françaises, allemandes, britanniques. Vous avez pratiquement plus d'un centimètre de noir autour du papier. L'enveloppe elle-même est entourée de noir. La brutalité de l'annonce. Hein, était très grande et on porte encore le deuil, mais c'est probablement avec la mort de masse du début du XXe siècle que la monstration de la mort paradoxalement recule. On va en parler un peu plus tard avec vous. Anne-Carole, cette mort est présente sous divers aspects dans la société du 19e siècle que vous connaissez bien. Il y a, on l'a évoqué, cette question de l'invention et du développement, pas l'invention, mais du développement du cercueil à partir de 1801 dans la France donc napoléonienne. Mais il y a aussi la question des cheveux que l'on garde avec soi, des tableaux. L'eau de cheveux que l'on garde du défunt ou de la défunte. Des reliques que l'on garde avec soi. Et la question de maintenir le corps le plus longtemps visible, en l'occurrence Anne-Carole, en particulier par l'embaumement sur lequel vous avez travaillé. Oui, ce qui est frappant par rapport au siècle précédent, si vous voulez, c'est que, bon, ce qu'on pourrait appeler de façon un peu anachronique le culte des morts pour l'époque moderne, passe par quelque chose qui n'a rien à voir ni avec le lieu où le corps est enterré, ni avec le corps lui-même. C'est-à-dire que si on veut montrer qu'on chérit ses morts à l'époque moderne, eh bien on va faire dire des messes, on va brûler des cierges, etc. Et au XIXe siècle, il y a vraiment un ancrage du deuil dans un lieu, la tombe, et sur un corps. Et donc il y a toutes ces reliques dont vous parlez, il y a les photographies mortuaires qui vont se développer également. Les masques. Oui, les masques mortuaires. Et évidemment, le summum, c'est l'embaumement qui permet de conserver le corps jusqu'aux funérailles et aussi de s'assurer qu'il ne se dégradera pas dans le sol. Il y a cette espèce de désir éperdu de conservation. Hein. Jean-Didier Urbain parle de société de conservation à propos des cimetières. Je crois que ça se met vraiment en place au 19e siècle et de façon parfois presque névrotique avec l'embaumement. Oui, Anne-Carole. On a bien compris que être en deuil, c'est avoir un ensemble de choses à faire, et notamment de s'occuper du corps de ce défunt, puis peut-être d'entretenir sa mémoire une fois la période de deuil accomplie. Alors effectivement, s'occuper du corps du défunt, ça se professionnalise au 19e siècle. On sait bien qu'avant... c'était un travail qui était dévolu plutôt aux femmes dans les communautés villageoises, notamment. En ville, c'était la concierge. Bon, là, on a de plus en plus des pompes funèbres qui vont se charger du corps. Et puis, il y a même cette profession qui manque d'émerger. Je dis bien qu'il manque d'émerger parce que elle va percer puis disparaître, celle d'embaumeur. hein, qui vise à préparer le corps pour les funérailles et à le rendre imputrescible ensuite. Et pourquoi vous dites elle émerge et elle disparaît? On a entendu hier le documentaire d'Anaïs Quin sur les thanatopracteurs qui évoquait cette question-là. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait cette émergence et puis cette disparition vers la fin du 19e siècle? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est quelque chose qui était fait plutôt sous l'Ancien Régime par des chirurgiens, hein, qui relevaient de la sphère médicale, l'embaumement, et c'était très limité socialement. C'était les princes, les grands dignitaires, les aristocrates, Louis XIV, les grands ecclésiastiques, etc. Voilà. Effectivement, il y a une demande qui émerge au début du XIXe siècle, qui est une demande privée, qui est une demande sentimentale, qui n'est pas une demande destinée à honorer les morts, mais une demande sentimentale, un désir de conservation. Et là, il y a une espèce de créneau, si je puis dire, commercial qui s'ouvre, hein, où vont s'engouffrer des gens qui ne sont pas des médecins, notamment l'inventeur de l'embaumement, Jean-Nicolas Ganal, qui est un industriel, et qui va susciter une grande effervescence, hein, chez des gens qui sont à la recherche de nouveaux débouchés commerciaux. Mais ça ne marche pas, effectivement. À la fin du 19e siècle, on s'aperçoit que une déprise de l'embaumement, et il ne réapparaît en fait que dans les années 1960 en France, autour de Jacques Marette et des thanatopracteurs actuels dont vous avez parlé hier. Justement, Anne-Carole, on peut parler d'un changement de sensibilité face aux cadavres à la fin du 19e siècle. Victor Hugo meurt en demandant à ne pas être embaumé, mais le sera malgré tout partiellement. Que se passe-t-il à ce moment-là qui explique cette déprise de ce goût pour l'exposition des défunts? Alors, déprise relative, hein. Il ne faut pas imaginer que l'embaumement, la vogue de l'embaumement traverse toute la société. Hein. Ça reste quand même très minoritaire, très urbain, très bourgeois. La différence, disons, entre le début et la fin du 19e siècle, c'est qu'on a l'impression au début du 19e siècle qu'il y a toute une petite bourgeoisie qui est fascinée par ces procédures d'embaumement, qui achètent au même moment, ou qui s'efforcent d'acheter des concessions perpétuelles dans les cimetières, parce que les deux phénomènes sont complètement liés. À la fin du siècle, il y a un repli social, c'est-à-dire que cet embaumement devient de nouveau un embaumement de prestige. Pourquoi est-ce que les gens ne souhaitent plus ou ne sont plus obsédés par l'idée que leur proche doit être conservé de façon perpétuelle? C'est difficile de répondre à ces questions pour un historien. C'est difficile. L'évolution des sensibilités, vous savez, on peut l'observer, on peut la corréler à d'autres évolutions, mais pas toujours l'expliquer. Stéphane Audouin-Rousseau. Moi, évidemment, je suis frappé aussi, comme Anne-Carole, par cette poussée des concessions perpétuelles. On voit parfois le défunt sculpté en pied, à taille humaine, parfois un couple le couple lui-même est représenté. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que avec la mort de masse au début du 20e siècle, la Première Guerre mondiale, ces formes de monstration des défunts dans leur importance sociale en particulier, apparu d'un seul coup indécent. Vous voulez dire la question de la distinction sociale dans le monument qui vénère le défunt. La Grande Guerre a un effet étonnant, c'est qu'elle est égalisatrice de ce point de vue-là. Hein. Les cimetières militaires, par définition, que vous soyez un officier de haut rang ou un simple poilu analphabète, vous avez le droit à la même croix de bois et ensuite à la même croix de béton. Et donc il y a une forme d'égalisation de la mort qui crée un choc avec les formes, hein, de la distinction funéraire, hein, qui est celle, à mon avis, de la fin du 19e et du début du 20e. Et les cimetières, après la Grande Guerre, les cimetières parisiens, par exemple, ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils étaient à la fin du 19e. Anaïs Quin. Oui, alors peut-être pour continuer, voir un peu ces grandes différences qui s'instaurent tout au long du 19e et au début du 20e, retournons en 1839 avec un extrait du nouveau manuel complet de la Bonne Compagnie ou Guide de la Politesse et de la Bienséance par Madame Selnard qui nous parle justement de cette période de deuil. Dans les trois premiers mois de deuil pour un mari, la femme ne porte que des vêtements de laine. Les six premières semaines, sa coiffure et son fichu sont de crêpe noire ou de gaze de laine. Dans les six semaines suivantes, ils sont de crêpe blanc ou fichu de lingère. Les 6 mois suivants, elle est en soie noire. En hiver, gros de Naples, en été, taffetas. La coiffure est en crêpe blanc. Les 3 derniers mois, elle est en noir et blanc, et les 6 dernières semaines, en blanc uni. Le deuil pour une femme est de porter l'habit de drap sans boutons, les souliers bronzés, les bas de laine, l'épée garnie de crêpes pour ceux qui ont droit de la porter. Au bout de 6 semaines, on porte l'habit de drap noir avec boutons, bas de soie noire, ruban noir à l'épée. Le petit deuil des 3 derniers mois est l'habit noir, bas de soie blanc, nœud d'épée noir et blanc. En tout temps, le chapeau est garni d'un large crêpe. Alors évidemment, il y a l'habit de deuil, cet habit de deuil du 19e siècle avec ses règles de bienséance qui sont décrites ici dans ce texte de 1839. Il y a aussi une lecture possible de la mort selon que le mort est un mort ou selon que le mort est une défunte, en l'occurrence Anne Carole. Que se passe-t-il justement lorsque on veut, en historienne ou en historien, appliquer des critères de genre, par exemple, à cette question de la mort au 19e siècle? Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre le destin du deuil quand l'un est un homme ou l'autre est une femme? Alors oui, on peut effectivement appliquer le filtre du genre dans la mesure où... Vous le savez, le 19e siècle, c'est l'époque de la théorie des deux sphères. Donc les femmes sont plutôt, comment dirais-je, destinées à la vie domestique, à l'élevage des enfants, à leurs soins, etc. Alors que l'homme, lui, lutte au dehors pour soutenir sa famille. Donc, de ce fait, le deuil des hommes est moins contraignant que celui des femmes parce que leur place... leur fonction dans la société les oblige à sortir plus tôt, à se montrer, à continuer à travailler. Pour les femmes, le deuil est plus interminable hein, parce que voilà, elles sont consignées, si je puis dire, chez elles. Et comme c'est leur place naturelle aussi, eh bien voilà, le deuil est en quelque sorte redoublé dans leur cas. Mais je voudrais juste dire un mot sur ces manuels sur lesquels on s'appuie depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'ils codifient le deuil et qu'ils donnent l'impression d'un deuil particulièrement pesant au XIXe siècle. On sait que le deuil vestimentaire existait dans les siècles précédents. Ce qui se passe aussi au XIXe siècle, c'est qu'il y a toute une codification des règles pour la bourgeoisie montante qui désire imiter les manières de l'aristocratie. Et voilà, donc on a une espèce de production pléthorique de règles du savoir-vivre, de codes de bonne conduite, etc. Dont on sait s'ils sont appliqués, ces codes de bonne conduite, ou au bout du compte, s'ils ne pénètrent pas profondément dans la société française? J'aurais tendance à penser qu'ils ne sont pas appliqués dans toute leur rigueur. Ils indiquent de grandes tendances, mais on peut aussi penser que ces codes donnent dans une surenchère, justement, de la monstration. De la formalité, voilà, de la formalité du deuil. Anaïs Kien. Oui, Stéphane Audouarzo, on a bien entendu avec ce texte à quel point les femmes seraient, en tout cas la prescription de ce texte nous laisse penser, enfermées dans ce deuil et séparées de la société. À quel moment cela ne devient plus possible? Vous avez écrit un ouvrage, 5 deuils de guerre, qui travaille justement sur 5 cas de deuil que vous explicitez dans cet ouvrage. À quel moment se doit-on de sortir du deuil ou viole-t-on même les règles du deuil? Une question vraiment très, très difficile parce que l'ouvrage auquel vous faites allusion, ce sont des deuils de guerre. Justement. Et le deuil de guerre n'est pas le deuil ordinaire dont nous parlons depuis le début. Un deuil de guerre est une chose différente puisqu'on est en présence généralement d'une inversion de l'ordre de succession des générations. Donc les jeunes meurent avant les vieux et d'autre part ils meurent de mort violente. Et justement, il n'y a pas le corps. Le corps est absent, le deuil, c'est un deuil à corps absent. Donc la souffrance... On entre en deuil avant même d'avoir récupéré le corps? Ah bien entendu, on entre en deuil tout de suite, dès qu'on a l'annonce, à dire vrai, je crois qu'on demande pour certains cas en deuil dès qu'on commence à ne plus avoir de nouvelles. L'absence de nouvelles signale l'avancée de la mort. Mais une mort à corps absent, donc une mort dont la douleur pour les vivants, ou pour les survivants, est évidemment décuplée. Alors, la restitution du corps est un enjeu majeur. La restitution du corps est un enjeu majeur pendant la guerre et massif après la guerre, avec des débats extrêmement durs et âpres pour savoir si les tués appartiennent à la nation et éventuellement à leurs camarades. Ou bien s'ils reviennent, ils reviennent aux familles. Louis Barthou, qui avait perdu son fils, le dit dans une commission sur les sépultures, rentre dans une rage folle. Vous m'interdisez de venir rechercher mon fils, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour faire ça? Qu'est-ce que c'est que cette fausse égalité? Et de point de vue, pour reprendre la question de la séparation, oui, bien sûr, ces rituels de deuil séparent, mais le deuil sépare. C'est pas les rituels qui séparent, c'est le deuil qui sépare. Les femmes, les hommes, les sœurs, les mères, les grands-mères, les parents, etc., qui ont été en deuil pendant de ce deuil né de la violence de guerre pendant les années 1918, se sont trouvés retranchés, de la société, et souvent pour très longtemps. Mais là, tout dépend peut-être aussi des solidarités de la communauté qui s'organise autour des endeuillés, peut-être. C'est-à-dire que c'est un moment qui sépare effectivement le défunt de sa famille, en tout cas la famille de son défunt, mais c'est aussi un moment de vécu collectif. Oui, en tant qu'historien, c'est sûr que l'on croit beaucoup au collectif. Je serais tenté plutôt de suivre Genevoix qui dit quand le malheur vous frappe, chacun seul connaît sa propre souffrance. Je crois que ce que j'ai appris le deuil de guerre est un deuil identique pour tous en apparence. Effectivement, il est collectif, il est pour la nation, il est héroïsé. Mais il est moins singulier aussi. Mais il est beaucoup moins singulier. C'est un deuil apparemment relativement uniforme. Mais quand on va du côté de la souffrance, on s'aperçoit que c'est la souffrance elle-même, ou la douleur. La douleur est extraordinairement singulière. Et donc je me méfie en quelque sorte de cette dimension collective, même si bien sûr il faut en parler. En tout cas, à mon avis, le deuil ne se résume pas à sa collectivisation. Alors, à propos de dimension collective, il y a un personnage auquel on pense quand il y a la mort qui approche, c'est le souverain, au temps des rois, ou le président de la République, à partir de la Troisième République en particulier, Anaïs Quin. Voilà, et là il s'agit de Félix Faure, mort, comme chacun le sait, dans les bras de sa maîtresse, qui n'empêche pas qu'on ordonne un deuil national en 1899. Journal officiel du 17 février 1899. Le gouverneur a reçu du département le télégramme suivant. Paris, le 17 février 1899. Colonie à gouverneur Pondichéry. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que Monsieur le Président de la République vient de succomber des suites d'une attaque d'apoplexie foudroyante. Gouvernement prescrit deuil de un mois. Le gouverneur a répondu par le câblogramme suivant. Pondichéry, 17 février 1899. Corps élus, fonctionnaires et populations de l'Inde française se joignent à moi pour adresser au gouvernement de la République l'hommage de leur profonde et patriotique douleur. Ordre. Le gouverneur des établissements français dans l'Inde, officier de la Légion d'honneur, vu le télégramme du ministre des colonies prescrivant un deuil d'un mois, ordonne. Pendant un mois à dater de ce jour. Premièrement. Tous les pavillons français de la colonie, tant sur rade qu'à terre, seront mis en berne. Deuxièmement, les fonctionnaires, employés et agents porteront un crêpe au bras gauche en signe de deuil. Troisièmement, les fêtes et réjouissances publiques sont suspendues. En ce qui concerne les troupes, le commandant d'armes se conformera aux règles prévues en cas de deuil par le décret du 4 octobre 1891 sur le service des places. Les bureaux et ateliers de la colonie seront fermés en signe de deuil pendant la journée du 18 février. Pondichéry, le 17 février 1899. Pour le gouverneur en tournée et par délégation, le secrétaire général de la Loyère. Bien évidemment, en 1899, nous ne sommes pas dans ce contexte d'égalité devant la mort dont vous parliez tout à l'heure, Stefano de Barroso. Et là, c'est normal, c'est le représentant de la nation, la personne du président de la République, dont on doit faire le deuil. Et donc là, il y a un deuil collectif à assumer, des signes et des démonstrations particulières, parce que c'est le représentant, justement, de la République. Ah oui, là, on entre, évidemment, c'est un cas tout à fait différent, on entre dans le champ politique. On entre dans, c'est le problème de la cité. Et là, on pourrait peut-être faire un petit peu, peut-être un peu d'anthropologie du politique, dans un deuil aussi marqué et qui se veut marquant, effectivement, pour les populations, un deuil prolongé qui doit être visible et visible longtemps, avec les drapeaux en berne, les brassards de deuil pour les fonctionnaires. D'un point de vue d'anthropologie du politique, au fond, la cité, enfin la collectivité nationale, se donne à voir à elle-même. Elle rend hommage, bien sûr, à son premier magistrat décédé, mais en rendant, et ça c'est évidemment, en rendant hommage au président de la République décédé, elle se rend hommage à elle-même. Donc là, le deuil est chargé d'un sens tout à fait différent. C'est un sens politique et national qui dépasse totalement la question de la douleur privée dont on parlait tout à l'heure. Anaïs Kien. Oui, Anne-Carole. En quoi peut-être le politique s'occupe de ces questions de deuil au XIXe siècle? On a parlé des embaumeurs, donc des pratiques privées, du développement d'un marché qui trafique le corps des défunts, qui re-ritualise ce moment qui surgit immédiatement après la mort. Mais en quoi au XIXe siècle les pouvoirs publics s'emparent de cette question du deuil, ou peut-être ne s'en emparent pas d'ailleurs? Anne-Carole. Non, je crois pas que le politique s'empare du deuil privé. En tout cas, ils mettent quelque chose de particulier. En revanche, comme on l'a vu avec l'exemple de la mort du président de la République, il y a toute une ritualisation des funérailles des grands hommes, mais pas seulement des présidents. Les funérailles de Gambetta, les funérailles de Thiers, sous la Troisième République, vont drainer des centaines de milliers de participants qui vont suivre le convoi. Ça, c'est nouveau. Maintenant, on participe au convoi au XIXe siècle tous ceux qui se sentent en phase, en amitié, en admiration pour un personnage. Et voilà, c'est un espèce d'énorme spectacle, effectivement, comme le dit Audouin Rouzeau, où la République se donne à voir dans son unité et dans son consensus. Et vous dites tout de même cette profonde nouveauté du XIXe siècle. Vous y insistez à plusieurs reprises dans vos travaux, Anne-Carole, on l'a dit, effectivement, la société du XVIIIe n'a pas grand-chose à voir avec celle du XIXe. Il y a ce travail, ce commerce autour de la mort qui se met en place. Il y a ces possibilités, effectivement, pour des gens, et on a lu Emmanuel Furex sur ses travaux, donc sur les morts politiques, d'une certaine façon, du premier 19e siècle, de suivre le cercueil pour pouvoir montrer sa contestation du pouvoir en place. Tout cela, ce sont des formes très, très modernes, pourrait-on dire. C'est pour ça que j'avais ouvert cette émission en parlant de la modernité de ce 19e siècle dans le spectacle de la mort, très moderne de la question de la mort et du deuil dans la société française. Oui, c'est moderne parce que si on s'en tient à la question des cortèges funèbres, par exemple, à l'époque moderne, le cortège partait de la maison du mort, allait à l'église, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Mmh. Et c'était très codifié. Vous trouviez là, je sais pas moi, la famille, bien sûr, mais vous trouviez aussi les confréries auxquelles appartenait le défunt. Enfin voilà, des corps constitués s'il s'agissait de notables. Au XIXe siècle, encore une fois, d'abord il y a un cortège qui va à l'église, mais il y a surtout un cortège qui va au cimetière. Mmh. Sur la tombe, on va voir apparaître de nouveaux rites, comme par exemple le discours sur la tombe. Mm-hmm. Et quand plus le personnage est important, plus il y a de discours, mm-hmm. plus ça dure. Et puis il y a aussi cette espèce de libre constitution du cortège qui ne rassemble plus seulement la famille ni ceux qui sont attendus institutionnellement, mais voilà, ceux qui sont en affection. Une sorte affectio societatis appliquée à la mort. Absolument. Anaïs Kien. Oui, on parlait des professionnels de cette mort, de qui a le droit de pleurer qui, peut-être pour continuer, et sur cette question de cette mort qui déstabilise un groupe, qui déstabilise une famille, qui peut déstabiliser une nation. On l'a vu peut-être avec cet ordre de deuil national suite à la mort de Félix Faure. Il y a malgré tout des tentatives de réglementer ce deuil dans l'espace public, et je vous propose d'écouter tout de suite une lecture d'une proposition de loi qui date de 1916. Nous sommes donc en plein milieu de cette Première Guerre mondiale et on tente de remettre en ordre ce moment de mort massive qui frappe la France. Elsa Dupuis. Proposition de loi tendant à créer un insigne spécial pour les parents de ceux qui sont morts pour la France. renvoyé à la commission de l'administration générale, départementale et communale, présenté par messieurs Jean Durand, Aude et Mons, députés. Exposé des motifs. Messieurs, les mœurs et les coutumes ont depuis longtemps imposé aux familles l'usage de vêtements et de signes particuliers de deuil. Le culte des morts est en France notamment très respecté et le jour consacré à leur mémoire est l'objet de l'attention de tous. La Grande Guerre que nous subissons a déterminé une mortalité considérable. Mais si le deuil ordinaire de mort naturelle ne franchit pas le cercle de la famille et des amis, il n'en est pas de même quand il s'agit des morts pour la France. C'est le public tout entier, c'est la France tout entière qui participe à ce deuil. Le père de famille dont le fils est tué, la femme dont le mari est mort pour la défense du foyer, portent dans leur douleur une certaine fierté légitime. C'est une sorte de deuil public. En créant un insigne particulier que les parents pourront joindre discrètement à leur parure de deuil, le public pourra ainsi saluer très bas un deuil qui est le sien. Cet insigne, cette distinction doit être discrète. Un petit ruban dont la couleur et la forme sont à déterminer suffira pour cela. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une possibilité. Seuls pourront porter cette distinction les pères, mères, femmes et enfants de celui qui est mort pour la France. Un texte très intéressant présenté par messieurs Durand et Mons, députés en 1916, lu par Elsa Dupuis. Stéphane Audouin-Rousseau, il y a un terme qui est utile pour comprendre ce qu'est le deuil dans la société française, c'est le terme « il ne franchit pas le cercle de la famille et des amis ». Or, vous avez théorisé avec d'autres ce terme de « cercle de deuil », en particulier pour cette Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que ces cercles de deuil et pourquoi c'est important de les préciser dans une émission comme la nôtre ? Parce que ce qui est important, c'est de se rendre compte, notamment dans une configuration comme celle dont on parle là, celle de la mort de masse, donc, qui est en deuil ? C'est une question très simple, mais extrêmement compliquée à résoudre. On voit bien à travers cette proposition de loi, donc qui n'a pas été finalement votée, qui est une proposition qui vient de deux députés, qu'ils retiennent les ascendants, les conjoints, les conjointes et les enfants. Très bien. C'est tout à fait logique, mais un cercle de deuil, ce que j'appelle un cercle de deuil, ne se résume pas donc à ceux qui ont un lien familial avec celui qui a en l'occurrence a été tué. Qu'est-ce que l'on fait du milieu professionnel par exemple? Qu'est-ce que l'on fait des amis? Après tout, on peut être beaucoup plus affecté par la mort d'un ami que la mort d'un proche de sa propre famille. Et donc, si on se déplace du côté de la douleur, si on se déplace du côté du sensible, tout change. Le paysage change complètement. Moi, ce que j'ai pu, quand on regarde effectivement si on se déplace en quelque sorte vers un mort. Et on regarde qui autour est touché par ce deuil. Ou bien si on fait l'opération inverse, si on se déplace vers une femme de la Grande Guerre, un homme de la Grande Guerre, et qu'on regarde le nombre de tués autour de lui, ce sont deux. Il y a un cercle de mort d'un côté, un cercle de deuil de l'autre. Eh bien, on s'aperçoit que tout le monde est un cercle de deuil. C'est probablement une vingtaine de personnes au début du XXe siècle, une vingtaine de personnes. Et donc, ce qui veut dire que, et ça a une importance tout de même dans la pesée de la mort dans une société européenne du début du XXe siècle en 1918, c'est que les deux tiers d'une société comme la société française, très probablement, a été touchée directement par le deuil. Mais le deuil, il faut l'élargir, j'imagine, des cercles concentriques, non pas en fonction de la proximité familiale, mais en fonction de la proximité affective. Mmh. Et si on se déplace de cette manière, on se déplace du côté de la douleur. Anaïs Kien. Il était question aussi dans ce texte des enfants qui se doivent ou qui pourraient porter le deuil. Que faire on a parlé des adultes qui ont la maîtrise finalement de... à la fois des rituels et de leur adhésion ou non à ces rituels de deuil, mais que faire des enfants qui sont marqués dans leur généalogie, pour évidemment l'entièreté de leur vie, par ce deuil qu'ils porteront, parfois même malgré eux. Ah oui, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, que je ne connaissais pas, donc on apprend hein, dans une émission comme celle-là, c'est que, au fond, cet insigne que l'on veut donner, en quelque sorte, ou permettre aux ascendants ou aux descendants. On ne sait pas bien porter, à quoi ça sert d'ailleurs. Est-ce que ça donne à mon avis, droits, c'est l'équivalent de la croix de guerre pour les combattants. Mm-hmm. De même qu'il y a héroïsation du plus grand nombre de combattants possible, donc à partir de 1915, eh bien, il y a cette héroïsation touche. Au fond, la famille touche les épouses, les ascendants et les descendants que sont les enfants. Tout le cercle familial est héroïsé dans une certaine mesure, hein, et ça doit se montrer puisque l'héroïsme, par définition, il faut le rendre visible. S'il ne se voit pas autrement, c'est ça dont il s'agit. Et les pupilles de la nation ont été ça. Les pupilles de la nation, qu'a bien étudié Olivier Faron, pupilles de la nation, c'est ça, le million de pupilles de la nation. Après, c'est une chevalerie, c'est une aristocratie dont la nation va s'occuper et qui auront, dans une certaine mesure, au-delà de leur douleur, une forme de bénéfice de la mort héroïque du père. Mmh. C'est un projet, hein, d'ingénierie sociale, en faisant de ces enfants, finalement, quelque chose de plus que ce qu'ils auraient été autrement si leur père avait vécu. C'est un projet fou, c'est un projet insensé, hein, mais c'est un projet. Oui, et puisque vous évoquiez, Anaïs Quien, cette question des enfants, Caroline Fontaine, que nous connaissons bien et qui s'occupe de l'historial de Péronne, m'écrit à l'instant même, elle dirige le centre de recherche. Ouais, le centre de recherche de l'historial de Péronne m'écrit que Françoise Zolto racontait que pendant la guerre, la Grande Guerre, donc une amie de sa mère venait prendre le thé, elle était en larmes, son fils était mort au combat, j'ai perdu mon fils, dit-elle à la mère de Françoise Zolto, et la petite Françoise pense alors, mais que fait-elle ici au lieu d'aller le chercher? Et quelques mois plus tard, c'est elle qui sera en deuil de son oncle, nous raconte Caroline Fontaine. Anaïs Quien. Oui, d'ailleurs, un ouvrage qu'on n'a pas mentionné, c'est peut-être l'occasion, c'est l'ouvrage collectif Déflagration, qui a été publié par les éditions Anna Mozaz sur les enfants dans la guerre. Oui, et je me souviendrai toujours de ce vieil homme de plus de 80 ans que j'étais allé interroger à propos du 11 novembre 18, et qui s'était mis à pleurer parce qu'il se souvenait que lorsqu'il avait 10 ans, sur la place du village de Vouzaille, dans la Vienne, où il habitait, eh bien, il avait vu arriver le garde champêtre pour annoncer à son petit copain avec lequel il était en train de jouer la mort du père de ce jeune garçon, et qu'il était en train de pleurer à mon micro en se remémorant justement ce moment de deuil qu'il n'avait pas vécu directement, puisque ça n'était pas son père, mais c'était le père de son ami, et il avait donc 80 ans de distance entre ce moment et cette période-là, entre ce moment où il me parlait et cette période de 1914. Oui, puisque vous parlez du souvenir, Emmanuel, peut-être un autre texte issu de votre ouvrage, Stéphane Audouard Rouzeau, Étude des souvenirs sur Émile Clermont, qui date de 1927, qui sera lu donc par Elsa Dupuis. Cher mort, il n'y a qu'une dizaine d'années et déjà nous pensons à vous comme à des êtres fabuleux. Cependant, en ces lieux qui ne sont qu'un cimetière, en ces lieux où l'on voudrait venir en pèlerinage, rien ne parle de vous. Pas même ceux qui continuent de vivre, qui respirent chaque jour vos essences invisibles et dont l'oubli comme celui de la nature est si rapide. La beauté de ce type de texte, je vous donnerai la parole dans un instant, Stéphane Honoré-Rouzeau. Anne-Carole nous dit l'importance de cette histoire du sensible que vous faites et que ceux et celles qui travaillent sur cette question de la mort et du deuil font quotidiennement. Cette émergence de cette histoire du sensible nous permet d'aborder de manière différente ce qu'on croyait savoir sur les périodes sur lesquelles on travaillait habituellement, et en particulier justement cette question de la finesse des relations entre un mort et ceux qui l'entouraient auparavant. Oui, je crois que ce qui est très frappant dans ce texte, c'est qu'il montre le point d'aboutissement de cette mutation qui s'est opérée au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse plus à Dieu pour qu'il abrège le purgatoire éventuellement des morts, hein, mais on s'adresse directement aux morts. Et on va sur la tombe pour cela. On leur écrit des lettres, comme c'est le cas ici. Donc il y a une espèce de dialogue qui s'instaure entre les vivants et les morts, sans l'intermédiaire de la religion. Il y a du sacré quand même là-dedans, on voit bien hein, ces reliques corporelles qui sont gardées. Mais on n'est plus dans le registre religieux traditionnel. Vous voulez dire que ça participe d'une sorte de déchristianisation de la France au XIXe siècle et donc d'une sorte de sacré laïc qui prendrait la place parfois du sacré religieux. C'est ce que vous supposez en l'occurrence, Anne Carole ? Oui, je pense. Sans m'aventurer sur les terres de Stéphane-Edouard Houzeau, je sais que à l'occasion de la Première Guerre mondiale, beaucoup de familles ont fait des sortes de petits hôtels domestiques à leur disparu. Hein, et donc, ce sont des hôtels, il n'y avait pas forcément des signes religieux, mais où on trouvait la photo, un fragment de l'uniforme, des choses comme ça. Anaïs Kien. Oui, Stéphane-Edouard Houzeau, pour revenir à ce texte justement dont parlait Anne-Carole, c'est un recueil de textes dans lequel vous avez trouvé cet extrait. Étude des souvenirs sur Émile Clermont en 1927, c'est un ouvrage collectif d'hommage à un très cher disparu. Oui, ce sont des amis, effectivement. Émile Clermont était un jeune auteur qui avait commencé une carrière d'écrivain, mais c'était vraiment le tout début. Et comme tant de jeunes écrivains français, finalement, il a été fauché par la guerre. Et c'est sa sœur, à l'origine, qui est à l'origine d'une sorte de culte d'Émile Clermont, en dehors de ses amis littéraires. C'est important, c'est la sœur. On ne pense jamais aux sœurs. Hein. Le deuil des sœurs, hein, c'est une chose extraordinairement importante en temps de guerre. Hein, on l'oublie toujours, celui-là. Hein. Il y a deux deuils qu'on oublie toujours, les sœurs et les grands-parents. Pourquoi est-ce qu'on les oublie, d'ailleurs, hein? C'est tout à fait étonnant, parce qu'on pense toujours aux ayants droit. Les historiens pensent toujours à partir, finalement, de l'administration. Alors, il y a les ayants droit, au-dessus, il y a des parents qui sont des ayants droit, et puis il y a des descendants qui sont des ayants droit. Très bien, les épouses aussi sont des ayants droit. Et puis tous ceux qui ne sont pas des ayants droit, ils ne sont pas en deuil. Vous voyez, comme l'administration de la mort change le regard historien. Il faut tout un effort pour s'arracher. Hein, si on veut retrouver cette histoire du sensible, hein, pour redonnons à Alain Corbin la paternité de l'expression. Mais effectivement, dans le cas d'Émile Clermont, vous avez raison, Anne Iskern, le fait que les amis se groupent, hein, pour faire un monument aux morts de papier. 10 ans hein, plus tard. Voilà. Et de même, les annuaires de l'école normale supérieure, hein, après la Grande Guerre, hein, où les anciens élèves, hein, les anciens élèves survivants parlent, hein, de leurs camarades tués au combat. 50% de pertes, hein, pour les promotions directement touchées de l'école normale, dans lequel parfois les pères, eux-mêmes normaliens, vont parler de leurs fils, etc. Mais à quel moment, d'ailleurs, s'arrêtera ce deuil de la Première Guerre mondiale? Moi, je pense que ce qui a cassé le deuil de la Première Guerre mondiale, c'est évidemment la deuxième. Hein. Il faut toujours un grand conflit pour casser la trace d'un conflit précédent. Et je crois que à partir de jusqu'aux années 30, le deuil reste massif. Il y a qu'à voir ce que le 11 novembre à Paris ou dans les photos de la place de l'Étoile ou sur les places de village, la masse, hein, de présents, hein, sur place. Voilà, les choses s'effacent ensuite dans les années 50 et 60 au fur et à mesure que le deuil finit par passer, hein, en quelque sorte. Bon. Quelqu'un comme Jean Rouault a montré dans Les Champs d'honneur, hein, prix Goncourt 1990, à quel point le deuil pouvait encore toucher une famille française des années 60 à son insu. La manière dont le deuil continue à traverser les générations à leur insu, je crois personnellement, j'ai toujours dit, mais je continue de l'affirmer, que le deuil de la Grande Guerre n'est pas totalement terminé en France aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle. Anne Carole, sur ces questions de sensibilité, il faudrait peut-être aussi dire que les historiennes et les historiens comme vous qui s'intéressent à cette histoire du sensible et dans sa relation avec la mort, utilisent de façon peut-être différente, ça permettrait à nos auditeurs de mieux le comprendre, les archives qui sont à leur disposition. On a des masses d'archives, on parlera d'ailleurs la semaine prochaine dans la fabrique de cette question des archives, on a des masses d'archives très très conséquente pour le 19e siècle, mais vous avez une manière particulière de rechercher justement cette place des sensibilités dans cette question de la mort au 19e siècle, Anne Carole. Alors, on l'a effectivement, on va aller chercher peut-être dans des écrits qui relèvent du fort privé, par exemple, des traces de cette sensibilité dans tout ce qui est correspondance, journaux. Ça dépend de... Tout dépend en fait du sujet. C'est difficile de vous répondre de façon générale. Il faudrait que je prenne des exemples très précis qui nous entraîneraient peut-être un peu loin de l'émission. Bon, moi, j'ai travaillé sur les questions de... J'ai fait une histoire sensible de l'exécution capitale, bien on sûr. L'évoquait tout à l'heure. J'ai travaillé sur les comptes rendus d'exécution par les procureurs, où l'on décrit le comportement du condamné du moment où on vient le chercher jusqu'au moment où le couperet tombe. C'est une source administrative, c'est vrai, qui a priori n'est pas très très parlante en termes de sensibilité. Mais que l'historienne que vous êtes fait parler. Oui, parce que y a beaucoup de notations corporelles, en fait. On décrit le comportement du condamné, s'il tremble, s'il a peur. Et on décrit aussi tout le dispositif qui est mis en place pour contenir éventuellement les débordements émotionnels chez lui. Et voilà, on peut en faire son miel, effectivement. On peut en faire son miel et repérer, relire toute l'exécution qui est finalement... quelque chose d'assez plastique, hein, qui n'est pas formellement prescrit et réglé par la loi, on peut la relire au prisme de ces émotions qu'il faut contenir aussi bien chez les protagonistes que chez la malheureuse victime, ou le malheureux patient, comme on dit à l'époque. Oui, parce qu'on a un rôle à jouer quand on est exécuteur ou quand on entoure l'exécuté, en l'occurrence, et il ne faut pas montrer trop sa sensibilité, mais parfois elle peut poindre, et c'est cela que l'historienne que vous êtes tente de d'écrire et de commenter. Oui, il faut effectivement de l'émotion, il en faut, parce que l'exécution, c'est un spectacle public jusqu'en 1939, et la justice doit montrer sa puissance, et donc... elle doit provoquer chez le condamné de la peur, du repentir, lorsqu'elle s'abat sur lui. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait trop d'émotion, parce qu'un condamné qui s'effondre, qui se révolte, qui est trop en colère, ou qui est complètement abattu, terrorisé, ne tiendra pas son rôle dans le spectacle public. Donc il y a tout un travail autour de ça qui est très intéressant pour l'historien. Anaïs Kien. Il y a peut-être un personnage qui connaît un bouleversement, un personnage social, un caractère social qui connaît un bouleversement à la suite de la Première Guerre mondiale, Stéphane Audouin-Rousseau. C'est la veuve qui qu'on représente plutôt comme une vieille femme, improductive, qui ne serait plus capable d'avoir d'enfants, qui n'a plus de mari puisqu'elle l'a perdu. Et cette Première Guerre mondiale qui va priver de très jeunes femmes de leur mari va créer une génération de veuves d'un tout autre âge, et le lendemain de la Première Guerre mondiale va aussi voir l'avènement des droits aussi accordés aux veuves et d'un statut particulier accordé aux veuves. Oui, bien sûr, les veuves de guerre. Les veuves actives, d'ailleurs. Ces veuves de guerre, le statut est effectivement avec des droits, des formes d'indemnité. Qui vont monter des bistrots et des débits de tabac. Exactement, avec toute une série finalement de privilèges sociaux, hein, tout à fait nouveaux. Hein. Il y a toute cette politique sociale nouvelle que couvre la Grande Guerre à l'égard des ascendants, des descendants, des victimes, des conjointes, des victimes de guerre, et en même temps une forte contrainte sociale. Ces droits, on les perd en cas de remariage. Et donc cette tension extraordinaire entre, parce que ces droits sont attachés au fond à une forme d'exemplarité morale supposée et de deuil perpétuel, d'interdiction de réorganiser. Bien sûr, et ça va très bien avec l'héroïsation dont je parlais tout à l'heure, hein, et d'ailleurs héroïsation à laquelle le grand drame du deuil de guerre, c'est qu'il héroïse celui qui est mort, et c'est un poids supplémentaire pour les survivants qui doivent porter non seulement le poids de la disparition, mais le poids de la disparition du héros. Et pour beaucoup de familles françaises, européennes, celui qui est mort, c'est pas seulement le fils, le mari, le frère, c'est le héros. Et comment vous vous débarrassez d'un héros? Comment vous pouvez le mettre de côté pour reprendre votre vie? Ceci a été souvent un conflit insupportable, hein, pour les veuves dont vous parlez, et parfois pour ces autres veuves que sont les sœurs, dont je parlais tout à l'heure, qui étaient également dans une certaine mesure des veuves. Et donc, on comprend bien que cette question du deuil, de la façon dont il a évolué depuis le 19e siècle, est encore un chantier, pourrait-on dire. Anne-Carole, vous avez, j'imagine, des doctorants ou des doctorantes, comme on dit maintenant, qui travaillent sur ces questions-là, en l'occurrence, la question de la mort au 19e siècle, pour pouvoir faire avancer la recherche dans ce domaine. Bah, c'est assez difficile de faire travailler les étudiants sur les questions. Mais il faut de le mort. Dire d'ailleurs, il faut le dire, on a commencé par ça en début de semaine sur la question du tabou de la mort, mais c'est vrai. Ah oui, non, si je peux profiter de l'antenne pour lancer un appel aux doctorants, j'ai plein de sujets à leur donner, mais malheureusement, la question de la mort ne les intéresse pas énormément, je sais pas, ça leur fait peur. Ils sont trop jeunes. Trop jeune, peut-être. Merci en tous les cas, merci à tous les deux d'être venus dans cette troisième émission de notre série Que faire de nos morts. On continuera demain avec vous, Anaïs Kia. Et oui, on continuera demain et on étudiera la question des cimetières, lieu des morts mais également lieu des vivants. Oui, et puis lieu des apparitions parfois, lieu des fantômes qui peut-être... Donc lieu des vivants, les apparitions n'apparaissent qu'aux vivants. Voilà, et qui peut-être continue à exister à l'intérieur des cimetières. J'ai moi-même grandi face à un cimetière et je guettais depuis la fenêtre de ma chambre quand j'étais petit les apparitions possibles qui ne sont jamais venues. En écoutant Thriller de Michael Jackson. Ou en écoutant Johnny Hallyday peut-être en l'occurrence. Merci à Elsa Dupuis, merci à vous. Donc Anne-Carole, je rappelle que votre dernier livre s'intitule Au pied d'échafaud, c'est une histoire sensible de l'exécution capitale, paru chez Belin. Et puis, pour vous, Stéphane Audouin-Rousseau, on peut lire évidemment les 5 deuils de guerre dont on a parlé, mais également vos travaux plus personnels, pourrait-on le dire. Quelle histoire, donc votre récit de filiation et puis votre travail le plus récent qui nous concerne directement, une initiation, votre initiation au Rwanda entre 1994 et 2016, un très beau livre paru aux éditions du Seuil que je conseille à tous nos auditeurs. Puisque nous parlons de deuil dans cette semaine et de mort, eh bien, je ne peux que vous conseiller le travail de production qui sera diffusé ce soir dans Création On Air sur France Culture à partir de 11h, celui de Véronique Lamandour qui évoque dans cette émission le deuxième cri, le deuil de ses propres parents. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Pierrick Monsigny était avec nous, il était à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.